Salut, salut. Thank you. Thank you. quand j'étais gamin, j'adorais chaler. Small Operator. Elle était belle en plus. Elle est belle, elle est encore vivante. Hein. Elle est vivante, Chaudet. Il est beau ton son piano, il est très beau. Là ça sonne, hein. J'essaye de faire une voix de fille. Qu'on se le fasse un jour. Parce que c'est l'heure de l'apéritif. Et l'apéritif, c'est important. Le temps, c'est de l'argent. Mais il faut prendre le temps de l'apéritif. Parce que l'apéritif, c'est une petite partie de bonheur. Petite bière fraîche, 2-3 olives. C'est la fin des vacances. Lundi, il faut retravailler. Berk. Bon, on la fera un jour. Tu me feras plaisir. Piano, il est beau. Et ta batterie, elle est belle aussi, toi, Rojo. Rojo. Tu joues bien, Rojo. Des sons des fois qui... Voilà, c'est exactement ça. Il y a des sons qui font du bien dans la vie. Quand ça sonne bien, c'est bon. Là ça groove. Je crois que le secret de la musique, c'est quand ça groove. L'effet, il est beau l'effet en plus là. Ouais, franchement, je suis jaloux. Je veux le même son. Bah, j'y vais. Merci à toi. Merci. À bientôt les gars. Bon après-midi. Thank you.